Les brouettes, oui. Brouettes pour transporter le linge, quoi. Ouais. Et vous faisiez bouillir le linge en bas ou en haut? En bas. Ah oui. T'envoies ton bois, toi. Ton casse-côte, si t'as pas le temps. Apporter son bois. Bah oui. Parce que les journées de lavage, c'était toute la journée. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, et là, tout de suite, si tu pouvais finir la même journée, même. Et comment ça commençait? T'es allé le matin tout de suite ou... Ah oui. Mais pour bien faire, le soir, on devrait aller. Mais ça dépend qui venait à côté de toi, je crois. Oui. Oui, on est les coups de battoir. Oui, donc normalement, tu mets ça sur le pont, quoi. Ouais. Tu mets, savonne bien, tu mouilles bien, tu savonnes bien, et puis le dessus, puis ainsi de suite, tu laisses ça tremper. Toute la nuit. Toute la nuit, le lendemain, tu vas. Souvent, tu vas.